La prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam des événements futurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit ce qui se passerait jusqu'à l'apparition de l'heure. Cela fait partie de ce dont Allah Jalla Jalalu lui a enseigné comme événement futur. Les hadiths concernant ce sujet sont très nombreux, au point d'atteindre la notoriété de sens. Parmi cela, figure ce que rapporte Hudhayfa radiallahu an, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donna un sermon, en ne laissant rien jusqu'à la survenue de l'heure sans le citer. Le sait celui qui le sait, et l'ignore celui qui l'ignore. Je voyais des choses que j'avais oubliées, mais que je reconnaissais tel un homme qui en connaît un autre, qu'il ne voit plus, mais qu'il reconnaît une fois qu'il l'a revu. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de ce qu'il y aura jusqu'à la survenue de l'heure. Il ne reste rien à ce sujet sur lequel je ne l'ai questionné, sauf que je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui fera sortir les habitants de Médine de celle-ci. Rapporté par Muslim. Cela n'était pas spécifique à Hudhayfa, radiyallahu an, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna un sermon, un jour durant, pour expliquer aux compagnons radiyallahu anhum ce qu'il y eut et ce qu'il y aura jusqu'à la fin des temps. Abu Zayd, Amr ibn Akhtab al-Ansari, radiyallahu an, dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dirigea en prière durant le Fajr, puis monta sur la chaire. Il nous donna un sermon jusqu'à l'heure du Dhuhr, puis descendit et pria. Il remonta ensuite sur la chaire et nous donna un sermon jusqu'à l'heure du Asr. Il descendit, pria, puis remonta et nous donna un sermon jusqu'au coucher du soleil. Il nous informa de ce qu'il y eut et de ce qu'il y aura. Le plus savant d'entre nous est celui qui l'a mémorisé le mieux. Rapporté par Muslim. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu an, dit: par Allah, je suis certes le plus savant des gens au sujet de chaque trouble qui se produira, de mon époque jusqu'à la survenue de l'heure. Cela n'est dû qu'au fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a révélé secrètement une chose dont il n'a parlé à personne en dehors de moi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'entretenait à une assemblée dans laquelle j'étais présent au sujet des troubles. Il dit en énumérant les troubles: parmi ceux-ci, il y en aura trois qui ne laisseront pratiquement rien, et parmi ceux-ci, il y a des troubles tels les vents d'été. Certains sont petits et d'autres grands. Hudhayfa, radiallahu anhu, ajoute: ce groupe de gens s'en alla sauf moi. Rapporté par Muslim. Ce sont des preuves authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa sa communauté de tout ce qu'il y aura la concernant jusqu'à la fin des temps. Il ne fait aucun doute que les signes de la fin des temps constituent la majeure partie des informations traitant des événements occultes. C'est pourquoi les hadiths traitant des signes de la fin des temps sont très nombreux. Ils ont été rapportés en des termes différents, vu la multitude de ceux qui les ont transmis parmi les compagnons, radiyallahu anhum.